sur les ondes de Canal Sud 92.2. C'est la centrifugeuse numéro 384 sans Fabrice ce soir. Et donc, je vous présente une heure et demie de musique. Il y aura notamment une petite présentation du festival Jazz à Luz. On aura deux albums de la semaine, celui d'Etienne Dao et celui de JJ Johansson. Et plein de bonne musique. Allez, on va commencer de suite avec Popincourt. Popincourt, un Parisien qui va sortir son troisième album le 15 septembre chez Milano Records. L'album s'appelle We Were Born to Meet. Si vous aimez la power pop, les belles guitares qui lorgnent vers le jazz et la soul, les cordes, les harmonies vocales, les belles pochettes, ce disque est fait pour vous. Il vient de nous faire découvrir un premier single en écoute. Il s'appelle Love's on the Barricades. On le retrouve la voix de Gabriel Giacomin de French Boutique et on s'écoute ça de suite. C'est Popincourt. L'instant, c'était Larry Coaster avec le morceau Go For Yourself, un titre de 1966 que l'on trouve sur la compilation Loma Northern Soul qui vient de sortir cette année sur le label anglais Can't Soul, une sous-division de l'excellent label Ace Records, un titre qui a dû faire plaisir à Popincourt qu'on a écouté juste avant. Allez, on change d'ambiance, on va corser un peu avec les Queens of Stone Age, qui seront demain soir en concert du côté de Albi au festival Post-Guitar. Albi, le festival Post-Guitar, c'est du 5 au 9 juillet. On y retrouvera notamment un concert de notre protégé Blowbird à 14h30 ce dimanche 9 juillet pour le prix et magie de Cherfi. Mais là, pour illustrer ce festival, on va s'écouter un extrait de Lullabies to Paralyze avec le morceau Medication. C'est les Queens of Stone Age. On est en 2005. We'll be right back. pourra aussi les applaudir de notre côté. Le 22 août, c'est le groupe Wilco, un groupe américain. Ils seront en concert donc le 22 août au Bikini. Là, on vient de s'écouter un extrait du Kicking Television Live in Chicago, enregistré en 2005. Pour moi, un des meilleurs lives de rock qui est sorti en disque. Et donc, c'est un groupe qu'à ne pas rater si vous aimez le classic rock, la pop, la folk, voire la country. Wilco, le 22 août au Bikini, dans le cadre de cette année des 40 ans. Bravo au Bikini d'organiser ce concert et encore bon anniversaire à eux et merci pour tout. Allez, changement d'ambiance, c'est ça la centrifugeuse. La centrifugeuse, c'est le grand mélange. Maintenant, on parle de Jazzaluz qui aura lieu du 12 au 15 août du côté de Lucin Sauveur du Pays Toy, pas loin de la vallée de Gaverny dans les Hautes-Pyrénées. 4 jours d'expérience et d'épuisement musical avec pas mal de groupes sûrement que vous ne connaissez pas, comme Ming Bossette, Moby Duke, Boucan, La Jungle, Dramatic Bonjo, Sixcara, Dame Fatale. Il y aura aussi la production de 3 documentaires sur John Zorn par Mathieu Almaric. Voilà, en fait, Jazzaluz, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros le jazz, mais côté jazz contemporain, jazz free, musique improvisée, mais c'est aussi des fanfares, c'est de la chanson, du rock un peu oblique. Et surtout, c'est aussi des belles balades, de la gastronomie, des paysages incroyables et une ambiance très conviviale où les musiciens se mélangent au public. Donc si vous n'avez jamais fait l'expérience, venez à Jazzaluz du 12 au 15 août. Et pour illustrer ça, on va s'écouter 2 titres. Le premier, c'est Bol, un groupe toulousain qui vient de gagner un prix d'ailleurs au Paris Jazz La Défense comme meilleur groupe du festival. Ils viennent sortir un nouveau single qui s'appelle Berlin et on va s'écouter ça de suite. Bol, Berlin, c'est de suite dans la centrifugeuse. Thank you. l'instant, c'était CXK, un duo de rock psychique qui chante en occitan. Un duo composé de Paulin Courcial à la guitare et à la voix et de Dimitri Kogan à la batterie. Et ils seront donc au festival Jazz à Luz le samedi 15 juillet à 22h30 au parc Massour et c'est gratuit. Juste avant, c'était Ball qui sera aussi donc au festival Jazz à Luz. Lui, ce sera de la nuit du 12 au 13 à minuit 30, pareil au parc Massour et c'est gratuit. Il n'y a pas que des concerts gratuits, à Jazz à Luz, il y a aussi des concerts payants. Il y a des balades, il y a du cinéma. Donc n'hésitez pas à aller sur le site jazzaluz.com. Allez, encore on change d'ambiance totalement ce soir, décidément, avec notre premier album de la semaine, celui de Étienne Dao, qui vient de sortir son 12e album studio, qui s'appelle Tirer la nuit sur les étoiles. Un album qui a été enregistré entre l'été 2021 et l'automne 2022, entre Paris, Londres et Saint-Malo. Étienne Dao a écrit l'album avec l'aide de Jean-Louis Pierrot, un acolyte avec qui il bosse depuis très longtemps, mais aussi le groupe américain Unloved, qui d'ailleurs vient s'installer du côté de Saint-Malo. Il y a aussi David Holmes, Keith Ussiansa et la chanteuse Jade Vincent, qu'on retrouve sur le morceau I've Been Thinking About You, qu'on va s'écouter de suite. Étienne Dao. l'instant, c'était Étienne Dao, extrait de l'album Tirer la nuit sur les étoiles, I've been thinking about you, notre premier album de la semaine, le temps que je cale le deuxième morceau qui s'appelle 30 décembre. La lune pleine éclabousse, froide et bleue comme une douche, nous griffe comme une fourche. Et tu me hurles à mi-voix, ces fêlures qu'on n'entend pas. La lune éclaire ta bouche, et tes blessures me touchent, me transpercent comme une fourche. Tu me confies à mi-voix ces morsures qu'on ne voit pas. Épuisé contre mon corps, tu t'endors dans mon manteau et tombes comme une souche. Tu me confies à mi-voix ces tempêtes qu'on ne dit pas, que personne ne veut entendre. Entendre. Entre mes bras tu te couches, abandonné oiseau mouche, mais mon désir t'effarouche. Et tu me hurles à mi-voix ces duels qu'on n'entend pas. Il fait clair comme en plein jour, les mots se perdent dans le vent. Tu t'endors contre ma bouche. Et tu me hurles à mi-voix ces tempêtes qu'on n'entend pas. Serais-je le seul à entendre? Entendre. Et je brûlerai les tiens, ces vœux deviendront des roses. Tu me confies à mi-voix ces espoirs qu'on n'entend pas. Suis-je le seul à comprendre? Comprendre. La lune pleine éclabousse, froide et bleue comme une douche, tu frémis, m'offres ta bouche. Et tu me hurles à mi-voix, un je t'aime que je n'entends pas. À l'instant, c'était notre premier album de la semaine, celui d'Étienne Dao, son 12e. Tirer la nuit sur les étoiles, on vient de s'écouter le morceau 30 décembre, un morceau coécrit avec son vieux vieil acolyte Jean-Louis Pierrot. Allez, maintenant on va partir du côté, toujours vers Paris, avec Stéphane Milošević, qu'on a connu avant sur le sobriquet de Thousand. Et Stéphane Milošević, lui, va sortir son premier album, en tout cas sous ce nom, le 13 octobre 2023 chez Talit Records. L'album s'appelle La Bonne Aventure et il vient de dévoiler un premier single qui s'appelle Comme un aigle. Stéphane Milošević. Je voulais qu'on cale un truc de fada. Je voulais être la purple dans ton tabac. Je voulais mettre des étoiles dans toutes tes nuits. Je voulais faire la lumière sur toute ta vie. Je voulais qu'on s'aime jusqu'au coup de poignard. Je voulais t'emmener jusqu'au bout de la terre. Je me resserre un verre pour finir mon histoire. Je commence une histoire pour finir mon verre. Je voulais qu'on cale un truc de fada. Je voulais être la purple purple dans ton tabac. Je voulais mettre des étoiles dans toutes tes nuits. Je voulais faire la lumière sur toute ta vie. Et quand j'aurai fini, vider mon casse, je redeviendrai pas un étranger. Avec toi, je suis intouchable. Je suis Zeus. Regarde-moi, je suis un aigle dans une fusée. Je te baise les pieds, je te baise des pieds jusqu'à la tête. Fais goûter ton haleine de Valentine, c'est ma liqueur. Ça me casse comme My Funny Valentine de Chet Baker. J'suis désolé si j'suis saoulé, solo, sous l'eau, souvent, sous le vent. C'est-à-dire que les poteaux attirent mon auto. Et qu'est-ce qui te prend si c'est pas moi dans ce clan d'interlope? Qui est-ce qui supporte tes faiblesses? Sûrement pas cette bande de salopes. J'voulais qu'on kenne un truc de fada. J'voulais être la purple dans ton tabac. J'voulais mettre des étoiles dans toutes tes nuits. J'voulais faire la lumière sur toute ta vie. J'voulais qu'on s'aime jusqu'au coup de poignard. J'voulais t'emmener jusqu'au bout de la terre. J'me resserre un verre pour finir mon histoire. J'commence une histoire pour finir mon verre. J'voulais qu'on kenne un truc de fada. J'voulais être la purple dans ton tabac. J'voulais mettre des étoiles dans toutes tes nuits. J'voulais faire la lumière sur toute ta vie. Et quand j'aurai fini de vider mon cœur, je redeviendrai pas un étranger. Avec toi, j'suis intouchable. J'suis Zeus. Regarde-moi, j'suis un aigle. Coucher et dormir dans ton jardin, entrer jusqu'au cœur dans ton bassin, juste te voir venir au bout de ma main, ne plus jamais être seul et croire en demain. Me coucher et dormir, entrer jusqu'au cœur. Sur les murs, nos empreintes ont disparu. Collé serré, le souffle court, que serions-nous devenus ailleurs? La question revient toujours, toujours. La bonne rame ou le bon train, les bonnes cartes entre les mains. La bonne rame ou le bon train, les bonnes cartes entre les mains. Repartir à zéro, en une poignée de mots. Si dans le miroir se marre la mort, repartir à zéro en une poignée de mots. Si dans le miroir se marre la mort, c'est trop tard. C'est c'est trop tard. Collés serrés de gare en gare, passagers clandestins d'une autre vie, une histoire sans lendemain. Collés serrés, le souffle court, que serions-nous devenus ailleurs? La question revient toujours, toujours. La bonne rame ou le bon train, les bonnes cartes entre les mains. La bonne rame ou le bon train, les bonnes cartes entre les mains. Repartir à zéro, en une poignée de mots. Si dans le miroir se marre l'homme mort, c'est trop tard. Repartir à zéro, en une poignée de mots. Si dans le miroir se marre l'homme mort, si dans le miroir, si dans le miroir se marre l'homme mort se marre dans le miroir. C'est trop tard. C'était Dalva, extrait de son troisième album qui s'appelle Grandoule, qui va sortir le 29 septembre chez Rockers Die Younger. Et c'était le premier single de Gare en Gare qu'on s'est écouté. Un album qui est un peu plus pop, plus new wave, plus de synthé et d'ambiance climatique que le précédent. Voilà, à découvrir. Et donc le 29 septembre, même s'il y aura un second single qui sortira, je crois, de mémoire, le 8 septembre. Allez, maintenant on part du côté de Londres avec Moon Thrills, un duo de trip-hop londonien, une collaboration entre un compositeur de musique de film français qui s'appelle Quentin Lachapelle, qui avait notamment collaboré avec le Toulousain Renard, qui lui avait fait ses arrangements, et une jazzwoman écossaise Sophie Watson. Pétrichor, le titre qu'on va s'écouter, c'est un premier titre extrait d'un EP à venir sur le label toulousain Nuance Records. Donc on s'écoute tout de suite Moon Thrills. In front of you, blinking missiles, signing your Morceau Hadley Common qui va clôturer le prochain album de Laudanum. Laudanum, c'est Mathieu Malon Et sur ce nom de London Home, ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas sorti de disque, et là il va en sortir 3 d'un coup. Donc le prochain, ce sera le 1er septembre, l'album s'appelle 4.2.1, As Black As My Heart. Ça va sortir sur le label toulousain We Ironic Records. Quoi d'autre ? C'est-à-dire que le second lui sortira en novembre, et le troisième en janvier 2024. Le premier est annoncé comme le plus sombre et le plus brutal, mais du coup le morceau qu'on vient de passer n'est peut-être pas forcément à l'image de ce LP. Je sais que le prochain single sort le 7 juillet, on y trouve le chanteur de Girls Against Boys. Voilà, donc c'était Laudanum. On va passer à notre second album de la semaine, celui de JJ Johansson. L'album s'appelle Fetish, son 14e. Il est sorti en mois de juin sur le label 29 Music. JJ Johansson avec cet album revient un peu à ses sonorités du début, un côté très trip-hop qui parfois lorgne vers l'électro dansant et aussi le jazz, puisqu'une moitié de l'album est clairement inspirée par la formation musicale du Modern Jazz Quartet, qui était un des groupes préférés de son papa. D'ailleurs, les deux extraits que j'ai choisis sont plutôt jazz. Le premier s'appelle Sen et c'est JJ Johansson. My heart must be made of stone. My heart must be made of stone. My heart must be made of stone. Now it's lying on the bottom of the sand. My heart must be made of stone. My heart must be made of stone. My heart must be made of stone. Now it's lying on the bottom of the sand. I would tell her that I miss her, that I worry and I care. I should tell her that I love her, but I don't dare. Must be made of stone. My heart must be made of stone. My heart must be made of stone. Now it's lying on the bottom of the sand. I would like to say I'm sorry that I had to make her wait. I would tell her that I love her, but it's too late. My heart must be made of stone. My heart must be made of stone. My heart must be made of stone. Now it's lying on the bottom. Must be made of stone. must be made of stone. My heart must be made of stone. Now it's lying on the bottom of the sand. Flutters rapidly, and I'm shaking like a stray dog in the pound. Maybe this thing that you do could be some kind of food to put something in my dream. Maybe you manage to master the art of black magic and made me unable to think on my own. And I know it might look strange to see that a grown-up man like me could be switched on and off by you without a sound. Appear all over me, and my palms are sweating heavily. There's nothing I can do under your spell. That is why I have the tendency to try to make you stay away from me, 'cause I'm feeling like a coin tossed in the well. Maybe this thing that you do could be some kind of food. You put something in my dream. Maybe you manage to master the art of black magic and make me unable to think on my own. Didn't know I had the ability to keep myself away so passionately. I'm a puppet on the screen when you're around. C'était notre second album de la semaine, celui du Suédois JJ Johansson, son 14e qui s'appelle Fétiche. C'est sorti sur le label 29 Music en ce mois de juin. Et on s'est écouté l'extrait Puppet on a String. JJ Johnson d'ailleurs sera en concert le 13 octobre du côté du Théâtre Sorano à Toulouse. Maintenant, on part du côté de la Belgique avec Cabane. Cabane, c'est Thomas Jean-Henri qu'on a connu dans Vénus. Il nous a offert en ce mois d'avril un inédit qui s'appelle Today avec la voix de Sam Genders qu'on connaît dans le groupe Tongue. Et les arrangements des cordes sont faits par Sean Hogan des Alhamas, mais aussi par Thomas Jean-Henri. Et on y retrouve aussi des chœurs féminins comme Emma Broughton de Blue Me, un magnifique morceau, souvent comme souvent avec Cabane. On s'écoute Today. Things watch and wait. Wind and sun and rain. Silence between. So tenderly, today the clouds are cutting lines in the sky. And today, my love, the sea is calm and wondrous and bright. And today, I will lie down and fall until the ground floats high above. Thank you. I feel like a sail when I'm looking around for some wind to move me. Yes, it's true. There's not much I can catch, but it's true when I do. Feels good to let something use me. But I don't blame you. No, I don't blame you. Over the ridge and into town, and I feel so holy. I spent the day, and I swim and I sing, and I don't feel a thing until the morning. Get back again. Oh, but it's true. Nous ne sommes pas dans les années 60, mais bien en 2023 du côté de Los Angeles avec Sam Burton. Sam Burton qui va sortir un album le 14 juillet qui s'appelle Dear Departed sur le label Partisan Records, le label quand même de PJ Harvey, Idols, Fontaine DC. Et donc là, il vient de nous faire découvrir un premier single qui s'appelle I Don't Blame You. Voilà, si vous êtes fan de Tim Buckley ou de Tons Van Zandt, cet album magnifique devrait vous plaire. Et donc, il sort le 14 juillet chez Dear Departed, Sam Burton. On va faire un petit focus maintenant sur la scène folk toulousaine avec tout d'abord Julie Sharp. Julie Sharp qui va sortir enfin son premier EP qui s'appelle Toucan. Ça va sortir le 22 septembre sur le label Poitevin Only Lovers Records. Un label, un EP entre folk en anglais et en français. On pense à Loni. Et là, donc, elle vient de sortir son premier single éponyme qui s'appelle Toucan. On s'écoute ça de suite. Quelque chose couché à ma porte. Un oiseau parle ma langue. que je n'avais pas. Montañas de sonrisas, miradas coloradas, piel de papel, pieles contra mi piel. Limones y paltas, piñas que pican, y todo se forma del agua. Agua, cuéntame de qué colores suenan tus penas en silencio. La marea se las llevó hacia lo lejos, y tú sola en tus solas, tú sola en tus solas te dejas caer, y por tus brazos canta tu llanto, ay mamá, por tu ombligo daray, daray, la espuma de tu llanto, ay mamá, agua, déjate deslizar en mi cara, suavecito. Saladita, llegar sabor a mi boca, y yo sola en tus solas, yo sola en tus solas me dejo caer hacia tus brazos, ay canta tu llanto, ay mamá, por tu ombligo daray, daray, la espuma de tu llanto. bajo la luna reflejan las estrellas en tu cuerpo. Ay, mamá. Dime tu color, dime tu color, agua. Lleva mi dolor, lleva mi dolor. Dime tu color, dime tu color, agua. Lleva mi dolor, lleva mi dolor. Dime tu color, dime tu color, agua. Lleva mi dolor, lleva mi dolor. Dime tu color, dime tu color, agua. Lleva mi dolor, lleva mi dolor. Dime tu color, dime tu color, agua. Lleva mi dolor, lleva mi dolor. Dime tu color, dime tu color, agua. Lleva mi dolor, lleva mi dolor. À l'instant, c'était la magnifique voix de Mélisse, artiste que j'ai découvert au Green Pink Festival il y a 2 semaines et que j'ai revu là en showcase du côté de Nuance Records. Et voilà, qui nous délivre une belle folk. On vient de s'écouter Agua, extrait de son premier EP éponyme, qui était sorti en mars 2022. Il est en train d'en préparer un nouvel EP, ou alors peut-être un album, voilà, qui devrait sortir l'an prochain. Et donc Mélisse, elle est née du côté du Pays-Bas, elle a grandi dans le sud de la France, à côté de Pézenas dans l'Hérault. Elle a beaucoup voyagé dans les pays hispanophones, d'où pas mal de titres qui mélangent l'anglais et l'espagnol. Là, c'était 100% espagnol et ça va très très bien. On dirait du Devrana Banart. Et elle s'installe dans le coin, du côté de Toulouse. Ben, du coup, on a une belle scène folk sur Toulouse entre Julie Charpé et Mélisse. Allez, c'est bientôt la fin de l'émission 384. Pas facile de préparer 1h30 d'émission. Je ne sais pas comment on fait Fabrice tous les 15 jours. Fabrice, vous le retrouverez d'ailleurs dans 15 jours et pendant les vacances. Il ne prend pas de vacances à part peut-être le 15 août où il n'y aura pas d'émission. Voilà, l'émission de ce soir elle sera bientôt en ligne. Vous pouvez toujours écrire à radio@la-centrifugeuse.fr si Fabrice vous répond. Et que dire d'autre, qu'on nous écoute depuis New York et donc j'embrasse Olivier et Sandrine. Voilà, on va se quitter avec un peu de jazz et une balade. Le groupe, ou le duo plutôt, s'appelle Madeleine et Salomon. C'est Madeleine, c'est Clotilde Rulot à la voix, et Salomon, on va dire que c'est Alexandre Sada au piano. L'album s'appelle Eastern Spring, c'est leur deuxième qui est sorti cette année, je crois. Et on va s'écouter le magnifique morceau Do You Love Me. Je vous souhaite un bel été, ciao ciao. Do you need me? Do you want? It's so easy when you smile. Oh, la la la. Do you need?